Qu'elle présente pas le micro. Malade Derry. Qu'elle avec présente le malade Derry. Voilà le problème de la médecine. Ouais. Là, regarde ce qu'il explique. Je l'ai vu, moi. Vous êtes terrorisé de la méthode. Vous terrorisez les malades. En fait, la médecine qui a terrorisé les malades. Alors, pas le micro. Et en fait, ils expliquaient à. Qui on va faire un commentaire. À passer. Attends, on va mettre une pause. L'électrochoc. Vas-y, fais un commentaire. Ils ont dit que l'électrochoc tuait les malades, mais c'était pas normal qu'elle s'exposait à mal faire la soignante pour les malades. Ah oui. Et qu'elle voulait décapiter les malades à l'époque, la médecine. À part l'électrochoc. Dans, au bord des larmes des familles. Parle au micro, comme ça. Et ça, c'était pas normal. Parce qu'en fait, il faut résoudre ce problème-là. Ce problème conjoncturel de la médecine. Au micro. Il faut résoudre ça. Il faut résoudre quoi? Il faut résoudre le problème des électrochocs. Tu en as eu d'électrochocs, toi? Et ça fait très mal. C'est le corps qui tremble partout. C'est jusqu'à mourir. Hein. Mm. Qu'est-ce que tu crois? C'est des familles du Vichy. Il fallait guérir le corps en mettant l'électrochoc. Ouais. Avec des ondes sonores faibles, ils ont augmenté les ondes sonores et les familles se contrôlaient plus dans le lit, mouraient dans le lit, hein, de l'hôpital. Hein. Il faut comprendre ce que c'est. Hein. Oui. Et toi, tu n'as pas eu, toi. Si. Et c'est pas bien du tout. Hein. C'est pas bien du tout à cette époque du Vichy. Ouais. Ils ont prêché pour l'histoire du bardon, qui était la médecine du bardon. On utilisait des outils pour faire mourir les malades. Est-ce que ça, ouais, c'était normal? C'était pas normal. Il faut savoir ça, que c'était pas normal. Non. Et comment tu ferais pour traiter la maladie psychique, toi? La maladie psychique, c'est en fait que le malade se comportait mal dans les testicules. Il tremblait du Creutzfeldt-Jakob dans le lit. Il tremblait du Creutzfeldt-Jakob dans le lit. C'est quoi les Creutzfeldt-Jakob? C'est une maladie où elle tremblait dans tous les sens sans se contrôler. Parce que l'électrochoc rendait le Creutzfeldt-Jakob à la personne, tu vois ce que c'est? Oui. Alors l'onde sonore de la machine, on devait mettre du 200 Hz, ils ont mis du 500 Hz. Oula. Alors après, je sais pourquoi ça tue la personne, parce que la personne, elle supporte pas ça. Mais oui, c'est trop fort, non? C'est trop, l'onde sonore était trop fort. Et oui. Tu sais, l'électrochoc, c'est quand une personne ne respire plus, le cœur ne respire plus. Tu vois, il faut réanimer le cœur. Pas le micro. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait tuer la personne. Ah oui. C'est ça l'enjeu qui s'est passé. Mais oui. Et comment on pourrait faire? C'est pour ça qu'il y a le désert médical. Parce qu'en fait, la ministre de la Santé, il a dit il faut résoudre le corps médical parce qu'ils ont besoin d'avoir les matériels de soins dans les bonnes conditions. Et ça a été des matériaux de soins étaient dans de mauvaises conditions, qui tuaient. Oui. À l'époque du Vichy. C'est l'époque de Vichy, tout ça? Oui, l'époque du Vichy. De oui. Anthony Nartaud Vichy. Ah oui, oui. Attends, on va réécouter un peu alors. Oui. Attends. Il est où Du bardon. Et le bardon de l'électrochoc. Il parlait le bardon de l'électrochoc. Il disait le bardon de l'électrochoc, ça veut dire que le bardon, ça faisait des problèmes de Creutzfeldt-Jakob, des problèmes de bardon. Elle ne supportait pas le bardon parce qu'elle avait les ulcères trop gros. Les familles avaient les ulcères comme ça, tu vois. Ouais. Et ça détruisait le corps. Et on mettait des électrochocs et ça tuait encore plus. Tu vois. Ça tuait doublement, quoi. Ça tuait doublement. Et la vie a baissé dans le cran. Oh, je vous le répète, le bardeau, c'est la mort. C'est vrai, le bardeau, c'est la mort. C'est un état de magie. Non. Le bardeau, tu sais ce que c'est le bardeau? Il disait que c'était la mort. Oui, parce que les bardeaux, c'est pour le Tibétain. C'est les lieux où il y a les âmes après la mort qui vont dans les bardeaux. C'est les âmes qui vont après la mort dans le bardeau. Ouais, le bardeau. C'est pour ça qu'il y a le livre tibétain des morts qui s'appelle le bardo todol. Le bardo todol. Mais attends, on va juste écouter le bardo todol. Oh là là, il y a un double de moi là. Donc on va continuer avec un peu d'arto pour pouvoir reprendre le truc. Attends, il est où arto? Tu es passé où arto? Antonin Arto. Oh. Donc voilà, on continue. Noir qui n'existait pas, il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Ainsi, artificiellement, la mort, il disait. C'était la médecine présente l'entrepron. Et il représentait l'entrepron. Un reflux n'a jamais profité à personne, et dont certains profiteurs prédestinés de l'homme. Se retraite. Depuis longtemps. En fait, depuis un certain point. Lequel? Celui. Celui. Il a fallu choisir. Renoncer. À être homme. Devenir. Un aliéné évident. Mais quelle garantie les aliénés et les aliénés ont-ils d'être soignés? Voilà. Il expliquait en fait que l'aliéné a dit qu'il faut qu'il soit soigné, et en fait la personne, elle a fait à sa tête de pas être soignée. Ah oui. Et ça c'est grave. Il faut croire que je retarde. Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit, l'un de ces sales ragots, comme ils sont colportes entre évier et latrine à l'heure de la mise au bâclé des de repas. La mise au bâclé, il disait. Une fois de plus. De fois de plus. Ingurgité. J'ai appris hier. Une des pratiques officielles. Les plus sensationnelles. Sensationnelles. Des écoles publiques. Écoles publiques américaines. Et qui font sans doute. Se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à un enfant qui entre pour la première fois dans une école publique, aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur séminaire. De la liqueur séminale. Liqueur séminale. Consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu de son sperme afin de l'insérer dans un bocal et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation. La tentative de fécondation artificielle, il dit. Oui, qu'est-ce que tu penses de ça? De plus en plus, les Américains trouvent qu'ils manquent de bras et d'enfants. C'est-à-dire, non pas d'ouvriers, mais de soldats. Et ils veulent à toute force. Par tous les moyens possibles. Faire et fabriquer des soldats. On veut. C'est le discours de la Légion étrangère, ça. C'est Antonin Artaud qui parle. Des soldats. C'est le message du service militaire. Enfin, c'est un poème qu'il a écrit en 1947. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était hospitalisé à Ville-Évrard, ici même, hein, même hôpital. Au secteur. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était en Irlande. Il s'est appris pour Saint-Patrick. Il a pris la canne de Saint-Patrick. Il a appris la canne de Saint-Patrick. Ah ouais. Il était rapatrié et puis il a commencé à avoir des hallucinations, des choses. Il a été hospitalisé pendant la guerre, quoi. Elle a été hospitalisée. Comment ça, les soins s'est passé pour Antonin Artaud? Il a passé quelques années à Ville-Évrard et c'était en pleine guerre mondiale, pleine famine. Et après, il était envoyé à Rhodes. Elle est envoyée à Rhodes, ouais. À l'hôpital Rhodes. Ouais. Et c'est là où il a eu tout la série d'électrochocs, tout ça, qui sont essayés de le soigner, mais bon, ça a pas. Je sais pas si ça a bien fait. Plutôt, il était un peu perdu, quoi, comme il a dit. Mais il a jamais cessé de lire, quoi. Il a toujours écrit de poèmes, de romans, de tout. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites. Hein. Très. Bah, c'est ça, c'est la histoire d'Artaud. Attends, on va écouter. Artaud, c'est un grand poète, hein. Ah ouais, t'es un grand poète. Ouais. pour être en Suisse. Et après, il dit... Point pour suivre. Et qui serait destiné et qui serait destiné à se montrer... Par les vertus... Revertus... Écrasantes... La force... La force... La surexcellence... La surexcellence... Produits américains... Produits américains... Oui. De la sueur... De la sueur... De la sueur... Dans tous les champs... De la cité... Du dynamisme possible... Du dynamisme possible... Parce qu'il faut produire... Il faut produire... Il faut... Il faut... Par tous les moyens... Par tous les moyens... L'activité possible... L'activité possible... Remplacer la nature... Remplacer la nature... C'est pas normal, hein, de la... Remplacer la nature... Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit remplacer la nature. Attends. Il faut, par tous les moyens, par tous les moyens possible, d'activité possible, remplacer la nature. Il a dit remplacer la nature. Que c'était pas normal, chacun a sa nature, mais les machines ont remplacé la nature du cérébro, la personne pour tuer le cérébro. C'est ça qu'il disait. Ah ouais, pour remplacer la nature. Ouais, chaque cerveau a sa nature. Ouais, attends, on a pas écouté toute la phrase parce que après quand on va écouter la phrase à nouveau là parce que il faut qu'on finisse sa phrase. Une seconde. Hop. Remplacer la nature partout. Perdu. Remplacer. Il faut trouver l'inertie mène un champ majeur. Un champ majeur. Il faut que l'ouvrier et le poisson pourrier. C'est pas normal sur le poisson pourrier. Que des champs d'activité nouvelle soit créée. Pour que l'activité soit créée. Et que ce soit le règne enfin. Que ce soit le de règne. De tous les faux produits fabriqués. Là, c'est de tous les ignobles ersatz synthétiques. Les ersatz. La belle nature vraie n'a que fait. Et doit céder. Une fois pour toutes, et honteusement, la plat à tous les triomphes produits le remplacement ou le sperme, ou le sperme, toutes les usines de fécondation artificielle aura enfin de quoi s'employer. Il faut savoir ça, hein. Ouais. C'était pas normal. Plus de la fécondation artificielle, c'était pas normal. Plus d'arbres. Plus de légumes. Il y avait plus de légumes. Plus de plantes. Pharmaceutiques. Et par conséquent, plus d'aliments. Il y avait plus d'aliments dans les champs mourants. Pendant la guerre, oui. Pendant la guerre. De synthèse à ça. Quel est le produit de synthèse? Dans des vapeurs. Dont des vapeurs, dans des humeurs spéciales de l'atmosphère, sur des axes particuliers, sur des axes particuliers, des atmosphères tirées de force, et par synthèse, aux résistants d'une nature de la guerre. Est-il la guerre? Est-il la guerre connue que la peur? Que la guerre n'a jamais connu que la peur. Que la guerre n'est connue que la peur. Vive la guerre, n'est-ce pas? Puisque ce sont... C'est la guerre que les Américains ont préparée et qu'ils préparent... Et qu'ils préparent... À pied. À pied. Pour défendre... Pour défendre... Cet usinage insensé. Contre toutes les concurrences. Qui ne saurait manquer. De toute part. De s'élever. Il faut les soldats. Des armées. Des avions. Des cuirassés. De là. On se perd. Auquel. Il paraîtrait. Que les gouvernements de l'Amérique. Le culot. De penser. car... Nous avons plus d'un ennemi, mon fils. Nous, les capitalistes. Les capitalistes. Et parmi ses ennemis, parmi ses la Russie de Staline, qui ne manque pas non plus de bras armés. De bras armés. Tout cela. Tout cela. Et très bien. Et très bien. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Les Américains. Si les Américains. Un peuple. Un peuple. Aussi guerrier. Aussi guerrier. Pour se battre. Pour se battre. Il faut recevoir des coups. Il faut recevoir des coups. Et j'ai vu peut-être beaucoup d'Américains à la guerre. Beaucoup d'Américains à la guerre. Ils avaient toujours devant eux. Devant eux. La commensurable. Armée de tanks, d'avions, de cuirassés qui leur servaient de boucliers. Que leur servaient de boucliers. J'ai vu beaucoup se battre. Les Américains. Et leurs machines. J'ai vu beaucoup. Se battre des machines. Beaucoup se battre des machines. Qu'à l'infini derrière les hommes. Qu'à l'infini derrière les hommes. En face du peuple. En face du peuple. Qui ont mangé à ses chevaux. À ses chevaux. À ses peu. À ses ânes. À ses ânes. Les dernières tonnes. De morphine vraie, qui peuvent encore lui rester, pour la remplacer par des ersatz de blé. Par les ersatz de blé. J'aime mieux le peuple qui mange à même la terre. Qui mange à même la terre. D'où il est né. D'où il était né. Pas des taras ou maras. Des taras marins. Mangeons. Le médoc. À même le sol. Pontons. Dit-il. Et qui tue le soleil. Pour installer le royaume de la nuit noire. De la nuit noire. Et qui crève la croix des espoirs. Afin. Les espaces de l'espace ne puissent plus jamais se rencontrer. Se croiser. Ainsi que vous allez entendre. Que vous avez entendu. Du Totogori. La danse des Tougouri. Du Tougouri. Tout Tougouri. On peut mettre de la musique. Ouais, mettre un peu de musique, non? Ouais. Pour adoucir là, tous ces atomes. C'est puissant ce qu'il dit, non? Je trouve que c'est tellement contemporain et en même temps très. Voilà, hop, on entend. Voilà, c'est moi. Hey, bonjour. Bonjour, comment ça va? J'adore. Hein. Oh, il y a une tonnerre. Hein. C'est moi. Ah oui, David. Tu peux t'installer. Merci. Ouais, c'est une future stagiaire psy. C'est une stagiaire Bastien. Psy. Comment elle va? Ouais, voilà. On était en train d'écouter Antonin Artaud. Vous pouvez mettre. Qu'est-ce que tu penses, Bastien, tout ça? C'est une tonnerre. Il avait dit à cette époque. Prends le micro parce que. Il n'y avait pas à manger pour les familles. Oui. Et il n'y avait que des plantes amères qui mûrissaient pas. Et à cause de ça, ils expliquaient dans l'article de Nathalie Arthaud qu'à un moment, les herbes étaient desséchées à cause des engrais, des mauvais engrais de pesticides. Ah oui, tu as entendu ça, oui. Bon, rappelle-toi que c'est tout pendant la guerre, hein. Pendant la deuxième. Ah, c'est à cause de moi. Et parce que si tu fais des bêtises, après, ça te retombe dessus, hein. C'est pas moi, ça te retombe dessus si tu fais les bêtises. Bastien, j'ai fumé une cigarette. Non, mais n'aie pas peur, on est avec toi là. On te soigne, on te bénit, on te protège. Et parce que dans la vie, on ne cherche pas à être, on est ce qu'on est. On est là, t'inquiète. Voilà. Parce que dans la vie... Tu peux fumer là aussi si tu veux, il y a là. Dans la vie, ouais. Il y a un reportage à l'ère de salvation qui a dit beaucoup de personnes vont perdre la vie. Pourquoi ? Rien qu'en perdant le salut, parce qu'il y a la vie, ils appellent la vie, il y a des étapes à suivre. Oui. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu le sens de la vie, qui ont perdu le juge de la tête, tu vois, le juge qu'on doit avoir. Les jugements. Le jugement qu'on doit avoir. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu les intentions, ils ont perdu les pensées. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Et l'hôpital est transféré en bas de la psychiatrie. Pourquoi ? Parce que la pensée ne suit pas, la pensée ne capte pas les choses. La pensée n'arrivait pas à soi. Ouais. Martin, ouais. Je suis le diable, je fais quoi ? Non, tu n'es pas le diable. Si, je suis un diable. Tu te sens le diable ? Je suis sûr que je suis le diable. Mais comment tu peux te sentir ? C'est maintenant que je vais m'en apercevoir que je suis le diable. Qu'est-ce que tu penses, Bastien ? Il est le... Parce que moi, je pense que si tu vas vers le diable, c'est qu'à un moment, Dieu ne t'a pas appelé. Il faut que Dieu t'appelle dans la vie, tu vois. Il faut que Dieu t'appelle. Pour tout, Dieu doit t'appeler. On doit te solliciter à quelque chose, tu vois. Tu dois ouvrir main de ton gloire. Là, tu ne vois pas main de ton gloire. Tu ne veux pas. C'est ça le problème, c'est que tu ne veux pas. C'est dans la tête. C'est dans la tête que ça se passe. Je n'arrive pas à faire la prière avec tout ce qui se passe. C'est trop tard de faire la prière. Si tu te bases pas sur le point stratégique d'avancer, ouais. Bah alors tu ne peux pas avancer dans la vie. Tu vois ? Ok, mais toi, prenez... toi t'es innocent. T'es innocent, t'as rien fait. Toi aussi. Bon, t'es bien que tu sois là, Bastien, parce que tu vois, on a soin de toi. Tu vois, dans la vie, on cherche pas à avoir le salut, on est ce qu'on est. Sans ouais. L'utiliser pour être ça, sans l'être ça, parce qu'on a des croix qui croient, qui disent « Ah, oh, mais moi, j'étais peut-être meilleur, ou peut-être... » C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, dans la vie, on est comme ça. Le chemin est ça. Le chemin, c'est Dieu qui le montre. C'est comme ça. Mon chemin était de venir ici, parce que c'était comme ça. Parce que dans la vie... Si le chemin, il dit que le rendez-vous, il faut qu'il vienne au rendez-vous, Bastien, c'est parce que le rendez-vous, c'est pour guérir, c'est pour qu'à un moment la guérison, elle puisse venir. Vous voyez, la guérison, on ne l'a pas comme ça. Parce que dans la vie, il faut avoir le point de circoncision des choses que l'on espère et des choses que l'on veut obtenir. Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup peu vont obtenir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi, c'est ça. C'est ça que vous expliquez qui est important. Parce que la foi, c'est à la base que si la personne, elle croit, elle voit. Mais on ne croit pas pour voir. Il y a un point stratégique dans ça. Oui. Et toi, tu veux obtenir quoi, toi, dans la vie ? Parce que dans la vie, on n'obtient pas, ça ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas sur un plateau. Il y a une porte étroite où on va. Mais c'est une porte qui nous mène vers le salut. Mais personne n'a cette porte. On apprend à Oxford. Une porte qui est le salut de l'âme. Oui. Cette porte-là, est-ce qu'on l'obtient, cette porte étroite où on passe, qui est le salut de l'âme ? Est-ce qu'on y va ? C'est pas tout le monde qui peut aller vers cette porte, qui peut franchir cette porte. Cette porte qui est la réussite et toute autre chose. Oui. Parce qu'il y a plein de choses qui accompagnent la vie de la personne. Il y a un accompagnement qu'on a dans la vie parce que la personne, elle a besoin de se retrouver dans la vie. Donc, oui. Tu vois ? Et toi tu vas vers où, Bastien ? Parce que je ne décide pas. Mon âme, c'est pas moi qui décide de mon âme. C'est Dieu qui décide de l'âme. À Oxford, on apprend ça. Oui. Si vous croyez que vous êtes plus fort que la terre, ou vous êtes ceci, c'est pas la peine de vivre alors. C'est pas la peine de vivre sur terre. C'est la personne. Oui. Elle croit que, soi-disant, moi, mes pensées ont cru que. Nanana. Ça marche pas. Parce que si la personne, elle croit. Que la vie, elle se fait comme ça, ça marche pas. Ça marche que s'il y a une attitude, que la personne, elle est prête à changer. Elle n'était pas ça, donc elle devient ça après, par la suite. Oui. Mais tu vois, je pense que nous tous ici, on a eu des moments où on se sentait un peu responsable de tout ce qui se passe autour de nous. Là, ils étaient responsables de tout ce qui se passe parce que dans le moment, Dieu nous a donné la responsabilité. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui perdent la responsabilité, elles perdent le sens. Ou des gens qui se sentent trop responsables. Parce que lui, il assume la responsabilité de toute la colère de Dieu. Ah, il a assumé la responsabilité de toute la colère de Dieu. Et ça, c'est de la bêtise, ça. Je pense que c'est une surperception. Ah, c'est la surperception de toute façon. Comment dire, c'est trop de perception. Mais Dieu n'a jamais eu d'égard pour personne, il faut savoir ça. Oui, je sais, toi tu le sais mieux que nous. Dieu n'a jamais eu d'égard, Dieu nous a utilisés pour être ça. Est-ce qu'on met ça en pratique? Parce que quand vous êtes devenu psychologue, c'est qu'à un moment vous avez été au Oxford, vous avez eu la cravate des études, mais ça vous appartenait plus. Mais vous avez été fidèle dans quand vous étiez devant la croix de Saint-Georges aux études là, au Gobelin, vous étiez fidèle à maman. Vous voyez ce que vous. Moi j'ai pas fait les études là-bas. Hey, salut Gréco. Salut. J'ai pas fait les études là-bas, mais je les ai fait ailleurs. Travailler ici. Magali, vous pensez quoi tout ça? Ah, je sais que vous avez des choses à dire là-dessus. Salut Magali. Ça va? Bah, je pense que c'est fou comment ils s'accablent. Je pense que c'est trop comment ils s'accablent votre ami. De penser que parce qu'il a regardé sa montre, ça a donné une mini-tornade. Ça a donné une mini-tornade, c'est ça? En fait, on avait vu un film avec le club un mercredi matin où il y avait un monsieur qui était très enfermé dans sa schizophrénie. Et il fallait l'aider à se retrouver. Qu'il était à l'origine de tous les débordements climatiques qui ont lieu sur Terre et tous les phénomènes de catastrophes naturelles qui ont lieu sur toute la Terre entière. Donc, et c'est pas nous qui ont fait ça, c'est le tonnerre qui a fait ça, c'est l'atmosphère qui a fait ça, c'est la nature qui a fait ça, ouais. qui a fait le déclenchement climatique, soit le réchauffement climatique. À Madère, il y avait une catastrophe qui était une catastrophe que l'eau, il y avait l'eau qui était tombée, il y a les falaises qui s'écroulaient, il y avait des maisons qui s'écroulaient, il y avait... Qu'est-ce qu'il y a à voir avec la maladie? Avec Madère. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec la maladie? Non, parce qu'il disait que quand il regardait sa montre, ça faisait du tonnerre. Et que donc c'était sa faute parce qu'il a regardé sa montre. C'est n'importe quoi. Ah, c'était sa faute. C'est parano. Ouais, non, mais moi je pense que peut-être la maladie psychique, ça peut être un trop de perception. C'est-à-dire qu'on se sent... Quand on n'a pas la perception des choses... C'est psychique aussi, c'est psychologique. Quand on n'a pas la perception, il faut l'avoir. Dieu nous a donné la perception des choses qu'on doit avoir. Dieu t'a donné aussi la perception. Mais s'il te plaît, non, parle pas de Dieu. Bah, il peut parler. Je crois en Dieu, mais ne parle pas. Qu'est-ce que tu veux? Bah, lui, il peut parler. Chacun peut parler ce qu'il veut ici. Dieu n'est pas ici. Tu peux dire ce que tu as. Dieu n'est pas ici. T'es pas dans le monde de toi, Dieu. Toi, tu peux le dire, mais lui aussi. T'es dans le monde du diable, mon gars, ici. Où est-ce que tu as vu? Prends le micro là. Parce que tu vois qu'il y a quelque chose de bien sur toi. Parle au micro, Gringo, s'il te plaît. Tu vois les guerres à cause des sous, ça, tu appelles ça le monde de Dieu? Bon, on n'entend pas, Gringo. Il faut que tu prennes le micro et si tu prends le casque, tu peux t'écouter aussi. Là, c'est bien. Voilà, mais prends ton casque parce que comme ça, tu vas t'écouter. Mais non, pas besoin. Si je tu vas écouter mieux? Mais non. Tu vas entendre mieux? Non, mais là, on parle de tout ce qu'on veut. On peut parler des dieux, on peut parler du diable, on peut parler de la guerre. Non, s'il te plaît, ne parle pas du mal, s'il te plaît. De la folie, de la raison. Ici, il n'y a pas de censure. C'est excepté si on commence à attaquer les autres. Parce que dans la vie, il n'y a pas d'acception de personne. On est ce qu'on en est. Ouais. On ne décide pas ce qu'on en est. Notre nature, c'est notre nature. Ouais. Tu vois? Et c'est quoi ta nature à toi? Ma nature, c'est quand je suis concentré dans quelque chose. Je me dis, c'est ça qu'il faut cibler. Tu vois, c'est ça qu'il faut cibler. Quand on a un objectif, c'est qu'il faut cibler ça. Et toi, en ce moment, c'est quoi ton objectif? Mon objectif, c'est que je me suis dit, là, je dois aller ce soir à ma réunion et j'y vais à ma réunion à Federbe. Tu vois, là, après, oui, mais avant, tu dis, bon, j'y vais à la radio. Après, tu vas. Et je vais à la radio, après, j'ai un autre rendez-vous. Des jours, c'est le pharmacien, des jours, c'est ça. Parce que des jours, il faut cibler ça. Parce que quand on récolte, c'est qu'on a rendez-vous. On a rendez-vous. Le rendez-vous, ça fait part de la vie. Ouais. Mais dans la plus générale que ça. Plus générale, la personne, plus elle a des rendez-vous, plus elle apprend à avancer dans la vie. par échelon. Avant, ça, il y a un domaine où ça n'allait pas. À un moment, on apprend que ça va de mieux en mieux, ça se cicatrise de plus en plus. Vous voyez un peu ? Tu te sens mieux qu'avant ? Oui, je me sens mieux qu'avant. On voit que la personne, plus à fur et à mesure, elle va chez son pharmacien, elle prend ses médicaments et plus elle avance. Elle prend son traitement et plus elle avance. Ouais. Parce que ça, c'est comme un traitement. C'est un traitement pour que la personne elle puisse avancer. Ouais, mais il y a un traitement qui n'est pas seulement des médicaments physiques. La philosophie, c'est un traitement. La philosophie, c'est aussi spirituel. C'est pour que la personne elle avance. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je t'admire. Alors, chaque fois que tu parles, j'ai l'impression que tu as une espèce d'éclaircie dans l'esprit et qui n'est pas donné à tout le monde. S'il te plaît, tu peux laisser la musique. Hein ? T'entends pas la musique. Vous pouvez parler. Hein. Est-ce que tu peux laisser la musique ? T'as pas compris, vous pouvez prendre la parole. Hein. Il est presque 5 heures. Oui, oui, on va commencer en 3 minutes là, on est prêt. Donc on va parler de ça, Magali va nous dire. Qu'est-ce que tu vas parler là? Qu'est-ce que j'allais dire? Mais vous mettez la musique que je veux, monsieur, s'il vous plaît. Bah, il faut que tu mettes ta musique et mettes dans la câble et tu connectes. Mais si non, tu mets ta musique dans ton... mais il doit aller dessus. Dessus quoi? Que ça s'entend. Oui, mais si tu as. Est-ce que tu as un téléphone avec ta musique? Oui. Donc tu es dans les câbles et ça s'entend là. Pourquoi maintenant là? Mais il faut que tu mettes la musique d'abord. On va mettre un peu de musique, on va parler. Magali, je suis content de te voir là, parce que Magali, elle est spécialiste en la poésie. Elle est spécialiste en poésie, c'est poésie, ça. Elle a des beatniks, tu connais des beatniks, en poésie un peu de la guerre. Vous aurez des frissons. Hein. Américain. Ouais. Je crois même que vous aurez des frissons. Et puis voilà, donc Magali, elle a fait la truc. Quand je chante, il ne faut pas m'embrouiller, il ne faut pas parler. Hein. Mais voilà, donc Magali aujourd'hui quelque chose. Donc en 2 minutes, on va être en direct. C'est lui qui fait toutes les musiques de Tupac. Il y a personne d'autre. C'est grâce à lui que j'ai fait ça chez moi. La possibilité de la première. Je vais la refaire dans quelques temps. De la première. Je suis encore plus fort que lui. C'est vrai. Tu vois, toi, tu vas m'entendre tout maintenant. Tu sais pourquoi la première avec les juges ment ? Oui. Parce que les juges ment. Parce que les juges ment. C'est ça que tu es en train de... S'il te plaît, comment on met là ? Non. Attends, je vais mettre... Attends. Il n'y a rien. Attends. Oh non ! Qu'est-ce que ça fait là ? On n'entend rien. Ouais, mais il faut pas changer. Attends, je la mets au début. Attends, je vais parler en première. On est à une minute, hein. On est à une minute du début. Attends. Ah non, je vais pas changer une minute. Je non, tu changes, vas-y, commence. Tu as mis là ? Bah attendez que je parle. Ouais, attends, essaye ton micro, voir si ça marche. Oh. Ah. Ouais. Oh. Ouais. Hey. Si tu t'entends mieux, tu mets tes dans le casque. Oh. Non. Ouais, c'est pas Mets le casque. Il y a la batterie. Mais il faut mettre à fond. Oui, mais on peut pas. Bonjour, je vais vous chanter la musique de mon oncle et je vais la refaire cette musique-là. C'est lui qui fait toutes les musiques de Tupac et de Snoop Dobby Doug. Enfin, quand il est connu mondialement, grâce à lui, je commence à monter dans mon TikTok. Je suis presque 5000 vues. Instagram, j'ai tous les stars américains, français. Dans mon Facebook, il y a Rof, Florent Fanny, tous les stars. Tous les stars chez moi, officiels, un coup quand ils sont officiels, c'est eux, et j'ai en train d'avancer petit à petit, même dans mon Facebook, dans mon TikTok. Et bah, je suis presque à 5000 vues déjà, hein, grâce à mon oncle. Et je vais chanter la musique de mon oncle, et malgré qu'il y a Tupac dedans qui chante, parce que Tupac, il le paye ses droits. Et fin de compte, elle est protégée la musique. Toutes les paroles que vous allez écouter là, toutes les paroles que vous allez écouter en espagnol et en français, ou en cigane gitan, eh ben, j'ai payé mes droits, j'ai payé la CSM. Si je vous préviens, c'est pour votre bien que vous ne la prenez pas, parce qu'à la fin, quand je vous attaquer avec la CSM, là, vous allez bien voir que c'est vrai. En tout cas, j'ai payé les droits sur cette musique, je vais la refaire avec mon oncle. Et maintenant, écoutez ça. Voilà, on est sur Metanoia, et notre gringo à la voix. Pensalo, pensalo, pensalo, yo. Que sufriendo, que mi madre, yo. Non mi chiedi un dono da un poco piccino. Corso, corso, corso, chiorello. Todo dio, mi stressalo. Todo dio, pa mi madre, mi padre, io. Chiorello. Todo dio, mi stressalo. Saliendo, saliendo pa' mi casa yo. E pisarlo, pisarlo. E llorar pa' mi vida yo. No puedo mirar a mi amado. Como sufriendo pa' mi madre, no me importa que no me queriendo. Vedele queriendo todo mi vida, mi padre. Vedele queriendo toda mi vida, mi madre yo, toda mi vida yo. Y ahora yo, como lluvia se quitar, pa mi cara, llorar yo. Je sors ton mari, je sors ton mari depuis 8 ans que mon père, ma mère m'a maltraité, mal malmené. Car je souffre, car je souffre. Car Dieu sait comment je souffre là dans ma vie, mon destin, depuis 45 ans je souffre là. Je reste mon coin, je reste mon coin, je dis à personne, personne vient ouvrir ma porte car je pleure pour ma vie, les fêtes. Même des autres jours qui viennent pas chez moi. Je sors de chez moi depuis 8 ans que mon père, ma mère m'a maltraité, mais malgré tout quand j'ai entendu par mon oncle que depuis 45 ans, que c'est pas mon vrai père, c'est pour ça que je souffre là. Le cœur brisé. Mon âme brisée, je pleure comme la pluie qui tombe sur mon visage coulera. J'ai mal dans mon fond de moi, toute ma vie. Car depuis 45 ans, il n'y a que Dieu qui le sait. Comment je souffre tous les jours qui viennent. Je marche comme un vagabond tout seul dans ma vie, car j'ai ni mon père ni ma mère. J'ai mal dans mon âme. Car souffrendo yo. Todo dia yo. Nashti va vishé kajambe. Te jivina va kajambe. Soit que tu veux, mais le va vipé. Soit qu'on tu veux, il a tout cadeau. Histo, histo. Pas la mort, je t'ai jamais n'ai pas jamande. Sa vie d'avant, t'y avait mort, je t'ai jamais pas jamande. Qu'est-ce que ma touche, ma nom dans mon clemle. A d'un côté, à mon chima. Oh, oh, oh, oh. Voilà. Hey, Rodrigo, Rodrigo. Merci d'avoir venu. Et qui fait, super, je peux chanter encore une musique. Quoi? Encore une musique. Vas-y, vas-y, une autre. Et ça, la musique que vous avez écoutée, qui a Tupac dedans, je vais la refaire, mais c'est toutes les musiques que vous entendez jusqu'à maintenant de Tupac, c'est mon nom qui est. Ça fait 37 ans qu'il est connu. 37 ans. Ça fait 45 ans qu'il. À 5 ans, il a pris la guitare. C'est un des meilleurs sur Internet, vous pouvez aller voir. Il y a des sites que c'est payant. Il m'a prévenu aussi. C'est pour ça que je mets que sur la musique, toutes les musiques, même comment il s'appelle, Eminem, il l'a payé. Tous les gens qui vous voyez la musique là, que vous allez écouter aussi, il, en fin de compte, il paye ses droits. Alors voilà, même sur la musique que vous avez écoutée ou les paroles, les gens paient leurs droits. Ah, il payait vos droits. Maintenant, je chante encore une musique, mais j'ai payé la CSM et mes droits sur toutes les paroles là, que vous allez écouter. Même les autres paroles que vous avez écoutées, j'ai, en fin de compte, je parle de ma vie. Écoutez ça maintenant. C'est un peu plus fort, s'il vous plaît, monsieur. Mais le casque, c'est très fort. Non, je mets pas le casque. Mais on peut pas mettre plus fort parce que sinon ça fait de bruit. Attends, laisse le début, s'il te plaît. Voilà, je vais la rechanter, je vais relancer la musique. Et en fin de compte, comme je vous ai dit, j'ai payé les droits à la CSM. Mais celui-là qui ne me croit pas. À la fin, quand je vais les attaquer, ils vont bien comprendre que j'ai payé les droits. Je ne présente pas avec vous, c'est pour rester en bon terme avec vous. Merci d'avance de m'écouter maintenant. Mais il y a Tupac qui chante dedans, mais toutes ces musiques-là que vous voyez là, je dois la reprendre. Je lui dis pour ça, moi j'ai la Alors, c'est Gringo qui va interpréter une nouvelle compo. Mais qu'est-ce qu'il a là? Pourquoi c'est pas fort là? Oh là là. Là. Attendez, allez-y. Oh Devlo! Oh Devlo! Şorke var peyamede ködü ko. O devla devla şorke du ko peyamede. Şorke var peyamede devla. Şorke mulan peyamede diğer ses. Ando ilo amaro. Les pillés, ça fait le péché. Quand je vois les guerres à cause des pillés, les présidents qui font des péchés à cause des pillés. Quand je vois des petits de 14 ans, quand ils font de la troll pour avoir des sous pour le pain. Car le monde, on n'est pas dans le monde de John, on est dans le monde de diable. Car je vous le dis, car je vous le dis, car je pense devant Sainte-Marie qu'on a sacrifié son fils le Christ, qu'on l'a cloué, qu'on l'a maltraité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire des êtres humains? Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Quand je vois chaque être humain, les guerres qui passent pas possible à cause des sous. J'ai mal dans moi, je pleure pour moi. Et pour mes autres familles aussi, je pleure pour eux. Et tout pour l'humanité, j'ai mal dans moi. Mon cœur est brisé, mon âme est brisée. Car je suis pas bien dans ce monde-là, car je sais qu'on n'est pas avec Dieu. On a subi le diable. Dans ce monde-là, y'a rien de tel à souffrir. Quand je vois les guerres à cause des sous qui passent, je suis brisé pour l'humanité. À cause de Poutine, à cause de Poutine, à cause de Macron, à cause du président ukrainien. Je pense qu'ils font des péchés car ils ont le diable dans eux. Font des péchés. Dans les bibles chrétiennes, dans les bibles orthodoxes, dans les bibles, même dans le courant, il y a écrit il y a la fin du monde. Vous voyez bien qu'il y a la fin du monde. Pourquoi Dieu aime pas ce monde-là? Car c'est, c'est le monde du diable. C'est pour ça qu'il va finir ce monde-là, pour jeter le diable dans ce monde-là. Il faut aller vers Dieu, il faut se mettre à genoux toute ta vie à prier pour être avec Dieu. Faut pas tenter le mal. Faut prier de plus petit pour être avec eux. Pour ce monde-là qui te protège là. Ça me fait mal pour l'humanité. Oh damas, señor, que no puedo mirar pa' este mundo. Yo esta fija, que esta, esta mundo, no está pa' señor, no está pa' señor. Este mundo está diablo, no me apostando pa' dinero. Van mirando también como mi esposa, mi mujer, muriendo, muriendo. Car je pense quand j'étais en Colombie, ma femme devant moi, qu'elle est morte à cause de la guérilla, qui voulait dissoudre mon beau-père, et voici maintenant que je l'ai battu encore un ange dans le ciel. Quand je pense mon fils dans son ventre, alors que les êtres humains, l'humain est mauvais, mauvais. Ça me fait souffrir, ça fait depuis 20 ans que je l'ai perdu, elle est partie au ciel chez Dieu. Je sais bien que je la verrai plus jamais. C'est pour ça depuis 20 ans, j'arrive pas à penser à ça. Je fais des cauchemars à cause de ça, ça me brise dans moi. J'aimerais tout qu'elle revienne. Dans ce monde-là, dans ce monde-là. Mon plus cher vœu, que je vois ma femme et mon enfant. Mais ça c'est fini, elle est partie. N'achetez pas, fichez, fichez, que diable te m'a dit crabe là, canard de clème là, canard de clème là, canard de clème là. Soit qu'on kiffe, soit qu'on kiffe. Miro la vie, miro la vie, mais au lot du calme, bro, et paix. Soit qu'on kiffe, soit qu'on kiffe, soit qu'on kiffe. Soit qu'on kiffe, miro la vie. Que ménage t'y va, fichez. Salut Davas, me rebaille pas l'Igélia. Ouais, merci, merci, merci, merci, Gringo. Franchement, c'était super beau. Ouais. Moi, je voulais lire un petit passage. Je te jure, ça me plaît pas. Vas-y. Tu te dis, je ne pas la musique de Snoop Dogg. Attends, on va se faire un peu mal à l'aise. Une discussion dans Camus les Justes entre Vanoff et Annenkov. Salut, moi, je vais mettre les musiques. Voilà. Ils chantent du fil, et c'est moi quand je mets la musique. Vas-y, pas, attends, j'ai toujours eu peur. Avant-hier, j'avais rassemblé mon courage. Voilà tout. Lorsque j'ai entendu la calèche rouler au loin, je me suis dit, allons, plus qu'une minute. Je serrais les dents, tous mes muscles étaient tendus. J'allais lancer la bombe avec autant de violence que si elle devait tuer le grand-duc sous le choc. Je vous jure. J'attendais la première explosion pour ça faire éclater le corps qui s'accumulait en moi. Je crois rien. La calèche est arrivée sur moi comme elle roulait vite. Elle m'a dépassée. J'ai compris alors que Yannick n'avait pas lancé la bombe. À ce moment, un froid terrible m'a saisi et tout d'un coup, je me suis sentie faible comme un enfant. Ce n'était rien, Alexis. La vie reflue ensuite. Depuis 2 jours, la vie n'est pas revenue. Je t'ai menti tout à l'heure, je n'ai pas dormi cette nuit. Mon cœur battait trop fort. Oh, Boréa, je suis désespérée. Tu ne dois pas l'être, nous avons tous été comme toi. Tu ne lanceras pas la bombe, 1 mois de repos en Finlande et tu reviendras parmi nous. Non, c'est autre chose. Si je ne lance pas la bombe maintenant, je ne la lancerai jamais. Quoi donc ? Je ne suis pas fait pour la terreur. Je le sais maintenant. Il vaut mieux que je vous quitte. Je m'éviterai dans les comités à la propagande. Les risques sont les mêmes. Oui, mais on peut agir en fermant les yeux. On ne sait rien. Que veux-tu dire ? On ne sait rien. C'est facile d'avoir des réunions, de discuter la situation et de transmettre ensuite l'ordre d'exécution. On risque sa vie, bien sûr, mais à tâtons, sans rien voir. Tandis que se tenir debout quand le soir tombe sur la ville, au milieu de la foule de ceux qui pressent le pas, pour trouver la soupe brûlante, des enfants, la chaleur d'une femme, se tenir debout et muet, avec le poids de la bombe au bout du bras, et savoir que dans 3 minutes, ou dans 2 minutes, ou dans quelques secondes, on s'élancera au-devant d'une calèche étincelante. Voilà la terreur. Et je sais maintenant que je pourrais recommencer sans me sentir vidée de mon sang. Oui, j'ai honte, je visais trop haut. Il faut que je travaille à ma place, une toute petite place, la seule dont je sois digne. Oh, super, Marie, c'est tiré d'Albert Camus qui est juste. Micro, il y a Les justes. Albert Camus, une vue interprétée avec Magali. Super, Marie, que tu sois de retour parmi nous. Tu me manquais la radio. C'était la question. Marie, il est où ? Mais j'ai préparé des collages et tout, mais j'ai pas emmené. Tu peux les amener pour la. Tu sais, on a la radio. Pas demain matin, peut-être. Non, demain, parce qu'on a une réunion de psy. Mais en général, c'est jeudi et lundi au CFTP. Mais là, on reprend lundi prochain. Mais si tu veux lire un texte là, que tu as écrit sur le journal, tu peux. Excuse-moi. Mais je le ferai lundi. Oui, mais tu peux y aller là. Tu peux lire un texte que tu as lu, que tu as écrit. Mais non, je l'ai oublié. Mais là, pour le journal, tu n'as rien écrit ? J'ai oublié. Tu as oublié quel texte tu as écrit ? Ce sera dans le journal de vendredi, mais j'ai déjà donné à dans la banque. Ah, sur le projet prochain. D'accord. C'est parti. Et j'en avais préparé un pour ce soir et j'ai laissé chez moi. Oh, mais tu peux pas improviser. C'est un Kerouac. Ben non, parce que comme c'est des textes. Oui. Ben non. Je suis pas comme Ringo, hein. Toi, tu as l'improvisation. C'est bien. C'était très beau. Tu m'avais dit que tu chantais très bien, c'est vrai. Là, tu parles de producteur, là, j'en train de produire. Ouais, mais peut-être, Magali, tu peux nous lire un texte. On aime bien entendre ta voix. Oui, je vais voir. Voilà, tu peux choisir un texte. Gris, Google Z. Ça va mieux, Gris ? Ça me fait penser mon enfance, Magali, ça. Iris, ça va ? Allô, Iris. Ça ne fait pas penser ton enfance, ça ? Iris. Quand j'étais gamin, sur Dorothée. Tu l'as trouvé mieux, ça ? Moi, je vais venir. Tu veux parler quelque chose ? Prends le micro, là, tiens. Bah, qu'est-ce que t'en penses, maintenant, de ce que tu nous as raconté ? Voilà. Parce que t'es pas possédé par le diable, quand même. Bah, il y a une bombe, j'ai entendu. Une bombe ? Oui. Ou à Gaza, ou en Ukraine ? Non, en France. Ah oui. C'est pas exclu, hein. Bah, monsieur Macron, le PD. Le Macron, le PD, il faut s'envahir sur lui, je vous le jure. Hein. Toute l'humanité qui est ici, il faut qu'on y va et faire des manifestations, des trucs de ouf, comme ça il arrête la guerre, ce bâtard. Oui, mais Ivry, moi je pense qu'il ne faut pas que tu te sens responsable de ça. C'est juste, ça arrive. Et toi, tu es sensible, tu sens les choses. Je ne suis pas responsable de ça. Dieu est fâché. C'est monsieur Macron. Dieu peut être fâché, mais à mon avis, c'est pas contre toi spécialement. Il y a des gens qui sont bien pires que toi. C'est pas Dieu qui fait ça. Je sais pas. Dieu n'est pas. De toute façon, Dieu te pardonnera tout le temps. Attends, s'il te plaît. Dieu n'est. Dieu. Écoute, Dieu ne veut pas le mal des gens. C'est pas Dieu qui a mis les bombes. C'est l'être humain, l'homme mauvais, comme je dis dans la musique aussi. Confond pas Dieu avec les êtres humains de pourriture que les hommes, quelquefois, même quand je vois les femmes là, comment ils souffrent quelquefois. Ah ouais, frérot. Peut-être, Idriss, tu aussi, tu n'y a pas que les choses mauvaises que tu perçois, il y a aussi des choses. Ça n'a rien à voir de Dieu, c'est l'être humain qui est mauvais qui laisse les bombes. L'être humain. Dieu, il veut pas le mal à personne. Quand est-ce que ça va se finir? Bah, ça, tu peux rêver tant que Macron il fait ça, c'est un bâtard, et bah, ça va pas finir. Voilà, parce que l'être humain est mauvais, comme je dis. J'aimerais bien mourir, mais la police a bah non, on a les uns de toi. Toi, ils vont venir même chez nous te prendre pour aller faire la guerre, mon gars. Dans quelques temps. Tu perçois trop de choses, Idriss, c'est ça? Mais c'est pas ça la question, il a raison, regarde qu'est-ce qui se passe là. Oui, mais. Où est-ce que t'as vu les bombes? Ils ont bombardé, ça y est, ça a commencé les Russes, je te jure, on va être dans la merde, je vous le dis tout de suite. Moi, je suis russe, hein. Le psychanalyste Jung écrivait que l'envers de l'amour n'est pas la haine, mais le pouvoir. En effet, méfions-nous de tous ces êtres, au moins grandioses, qui ont une fâcheuse tendance à l'abus de pouvoir, à l'écrasement, à la toute-puissance. Leur certitude de détenir la vérité, mais y a pas des gens qui de savoir où est le bien et le mal, nous conduit nécessairement à nous rabaisser au rang de pauvres créatures et devenir des victimes d'êtres parfois géniaux et maudits. On devient leur chose, en vrai. Oh, il disait déjà bien. Là, tu parles de l'amour. Ouais, ben... en fait, ça partait d'une phrase de Jung, que l'envers de l'amour n'est pas la haine, mais le pouvoir. À savoir que les gens qui ont énormément de pouvoir, ils finissent par écraser les autres et à se sentir trop puissants. Pas du mal aux gens. Ouais, c'est un peu ce qui se passe avec nos dirigeants actuels. Hein. Macron, tout ça. Ouais, Poutine, Macron, tout d'avant. Non, c'est pas à cause de Poutine. Ça, je vous le dis. C'est uniquement à cause de lui, c'est lui qui fout la merde là-bas. Ils s'en mêlent pour les Ukrainiens. C'est n'importe quoi. Tu as entendu ce qu'il a dit, Magali? Il cite Jung disant. L'envers de l'amour, c'est le pouvoir. Donc c'est les gens qui écrasent les autres. Voilà, qui se sont... Ouais, mais c'est à cause des billets. C'est à cause des sous. Tout le péché, c'est à cause des billets. Ils veulent que 10 millions de gens. Le pouvoir et l'argent, c'est lié, hein. Vous savez quoi? Vous pouvez remplir la maison, même des appartements dessous. Vous laissez poussière, vous allez partir comme une poussière. Et vous voyez les êtres humains, qu'est-ce qu'ils font? Pour les sous, il faut que des péchés. C'est pour ça que je dis dans le... L'homme est mauvais de toute manière. Pas tous les hommes, mais la plupart de temps, même femmes souffrent et même l'humanité souffre à cause des hommes. Vive les femmes. Ça, je vous le dis, j'aimerais bien qu'il y ait une présidente femme comme ça s'arrête ça, parce qu'il y a des femmes mauvaises, mais il y a plus des hommes qui sont mauvais et diaboliques. Magali, tu peux nous continuer à le dire, dans le sens d'une voix de femme. Comment je peux parler aux femmes? Tiens, ta petite Molly. Bon. Idriss, tu veux dire autre chose, hein? Ça va mieux là? J'ai l'air fatigué. J'ai l'air fatigué. Qui, Idriss? Ouais. T'es pas trop fatigué? C'est bon. Comme ça. Ouais, on a une nouvelle. T'es balkan d'origine? Candidat stagiaire là, tu peux t'as prendre. T'as des origines balkan? Ah non. T'es quoi d'origine, c'est une expression? Excuse-moi de te demander ça. Je sais pas. T'es française? Oui. Ou espagnole? Non, française, je crois. Je sais pas, peut-être plus loin. Mais... Parce que t'as pas une tête de française du tout. Hein. Je te jure, on dirait plus espagnol et du coup. Bah, on est tous mélangés et on est assez. Bon, on va mettre un peu de musique pour l'instant. Attendez, s'il vous plaît. Ringo. Attends. Pendant que Magali va la trouver son. C'est. Texte. Attendez que je regarde. Va chercher Sophie qui va faire sa colonne. Voilà, c'est Segla. Mais attendez que je la mets dès le début. Attendez, je vais voir si c'est grave. Après on va attendez, laissez-moi parler. Je vais mettre la. Fin de compte, je vais mettre la musique de Snoop Dobby Dog, je l'ai refait. Mais toutes les paroles que vous allez écouter en espagnol entier et en français, qu'est-ce que vous allez écouter que... Attendez, monsieur. Oui, t'attends, vas-y. Écoutez, toutes les paroles que vous allez écouter, la musique, de toute manière, c'est à mon oncle, de Snoop Dobby Dogg. Elle est protégée par mon oncle, par ACCN. Il a payé ses droits, c'est-à-dire personne ne peut la voler. Et toutes les paroles que vous allez écouter de moi, que je vais mettre, qui sont en espagnol entier, en français et en tzigane. Enfin, quand je l'ai enregistré dans un studio, que le mec il a gagné le disque d'or quand il était jeune, et il y a beaucoup de ça qui va chez lui. Et voilà quoi. Et vous allez l'écouter parce que là, je l'ai mis sur mon portable. Je ne vais pas chanter avec la voix comme ça, là, comme vous écoutez. Vous allez écouter complètement la musique que j'ai chantée en studio. Allez-y, écoutez maintenant. Attends, attendez. C'est que vous, à moi. Attendez. On est sur Metalia. Attendez. Il y a les membres qui sont cessés. Il n'y a plus de bande là, Gris. Laisse plus fort, s'il te plaît. La musique de Dobby Dogg. Et la musique, j'ai pas protégé. Mais par contre, les paroles que vous allez écouter en espagnol, en tzigane et en français, j'ai payé mes droits, comme je vous dis tout le temps. Alors n'essayez pas de la voler. La musique, vous pouvez la prendre parce que ça m'appartient pas, ça appartient à tout le monde. Tu peux fumer là. J'ai pas payé mes droits. Mais par contre, les paroles que vous allez écouter en espagnol et en espagnol, toutes les paroles que vous allez écouter en espagnol et en français et en tzigane, les paroles sont protégées. Par contre, la musique n'est pas protégée. En tout cas, le truc que vous allez écouter, c'est protégé par mon oncle, la musique. Parce que Snoop Dobby Dogg, il a payé ses droits, mais mon oncle, il est protégé aussi. Je dis la vérité, je l'ai préviens. J'ai mal, j'ai une crampe. Oh non! Attends, ça va commencer. C'est la musique de Snoop Dobby Dogg. Vous allez la reconnaître. Et c'est moi qui chante. C'est toi, Sophie. Allô? Ouais. Mets le casque. Il y a la voix de Sophie. Bon, mais ça a changé, là, ça. Attends. Après, c'est toi, Sophie. Après. Thank you. Gringo, il y a des gens qui me demandent où ils peuvent trouver la musique. Elle n'existe pas encore, tu l'as pas sorti en disque. Il y a des gens sur le chat, là, qui écoutent la radio. Ils vont sur Facebook, sur Diamant Noir. Diamant Noir. Ouais, mais vous, tu dis qu'il y a beaucoup de monde et je sais pas si vous le trouvez. Diamant Noir. Ouais. Mais il doit regarder, elle est pas mise dedans. Il doit regarder dans mes pages et il y aura la musique. De manière, c'est Zoom de Middle qui a accepté que je la refasse. Ah, grâce à mon oncle. Tu rencontres combien de langues il y a dedans? C'est bien quand tu changes de langue. Ouais. T'as remarqué que j'ai changé de voix dedans? Est-ce que t'as vu que j'ai changé de voix? C'est bien. Trois voix. C'est bien quand tu changes de langue, tout ça, c'est super. Bah, Falcon, mon oncle, tu m'as appris dans toutes les musiques du monde entier. Tu peux parler? Attends, on attend la musique après, je parle. Ça, c'est vrai, qu'est-ce que je dis? Voilà, merci Grégo. Bonjour. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, le fort, c'est juste que tu mets les casques. À ce côté-là, pour l'instant, j'ai en train de me produire avec un producteur. Ça a en train de rester un petit peu chez mon son. Ah, grâce à mon oncle Falcon, il y a beaucoup de stars américains chez moi officiels, même dans mon Facebook, dans mon TikTok, pour aller voir. Et j'ai en train de me connaître grâce à mon oncle, parce que mon oncle il fait toutes les musiques de Snoop, de Beatles, de Tupac. Et grâce à lui, j'ai en train d'avancer le son avec lui. Il va être dans quelques temps, il va me produire avec un autre producteur que je connais. Il y a quelqu'un qui... Et la musique que vous avez écoutée, c'est dans le studio de producteur, j'ai payé mes droits. Parce que Snoop Dogg Dog, il a accepté parce que mon oncle a parlé avec lui. Il a parlé avec lui, il a accepté que je fasse la musique. Merci d'avance que vous m'avez écouté, au revoir. Est-ce que tu as une adresse internet où les gens peuvent écouter la musique qui pose la question? Bah, ils vont déjà sur Facebook. Là je vais... Il y a beaucoup de stars chez moi, mais vous allez sur mon Facebook parce que le nom de mon TikTok, je ne connais pas bien. Je suis sur Instagram, maintenant je ne sais pas si c'est Diamant Noir sur Instagram et même sur TikTok. Mais sur Facebook, en tout cas, je suis encore Diamant Noir. Voilà. Merci d'avoir été là. Merci Grégo pour monter la musique. Et là, on va écouter Sophie qui vient avec plein d'idées. Elle va nous parler de sa colonne de sexualité. Attendez. Allez-y. Attends, vas-y, prends le micro. Oui, tu t'entends là? Bah, oui, je m'entends bien. Voilà. Bah, en fait, non, je n'allais pas parler de sexualité, j'allais parler de renaissance, parce qu'il y a mon ami qui est juste là, ça fait un bail, je l'ai pas. Oui, d'une. Oui. Bah, elle a l'air d'aller bien, quoi. Ouais. Donc, voilà, et être dans l'espoir, on se dit c'est possible de s'en sortir, c'est possible de passer à autre chose. Donc, voilà. Oui. Ok, bon. Attends, Magali voulait dire un truc là. La guérison commence dès que nous acceptons de lui consacrer toute notre énergie. Oui, c'est vrai. Ouais. Ok, après on passe. Bonjour Dune. Dune, tu voulais nous dire un mot là? Oui. Okay. T'entends? Oui, bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le faire. Mais... Tu veux plus me parler, on dirait que t'es... Moi ? T'es énervé, quoi. Attends, Grégo, je ne suis pas énervée, je suis avec une amie, donc je n'ai pas de temps à te consacrer. Est-ce que ça ne te dérange pas ? Mais vrai, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Arrête de me frapper. T'as tellement l'habitude qu'on ait du temps pour toi. Là, j'ai une amie que j'ai pas depuis longtemps. Est-ce que ça ne te dérange pas ? Ah non, je suis jaloux. Déjà, t'arrêtes pas de hurler. Je suis jaloux. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je suis jaloux. Ça me plaît pas. Ouais, ouais. Ça m'énerve. Ah, oui, mais je m'en fous, chérie. Mais je sais pas si on a le droit. Tu vois pas, tu vas payer, on a le droit. Je suis comme toi, seule, ma gueule. On a le droit. Non, je te check pas. T'es con. T'as réussi. Je vais parler des élections. Oui, voilà, un petit peu, ça va te faire du bien. Ah, je rigole tout le temps. Par moi aussi, voilà. C'est vrai que je plaisante. Et j'ai pas besoin de faire mon coming out. L'humour, tu la connais. Voilà. Grégo, non, mais attends, t'as gueulé pendant plus d'une heure dans le micro, t'as laissé parler. Est-ce qu'elle peut en placer une? Voilà, chacun son tour. Ça pas besoin de t'énerver. Merde, chef. D'accord, chef, d'accord, d'accord. Tu... C'est bon, j'ai gagné. T'as gagné, t'as gagné. Alors, je voulais parler des élections européennes qui sont passées vendredi dernier. Mmh. Ça fait quoi d'avoir les écouteurs? Bah, ça fait que j'entends le bruit des écouteurs. Arrête! Dimanche dernier. Ça fait dimanche dernier, vendredi, dimanche. Oh là là, j'ai tellement gueulé. Ah là. Et il y a eu des résultats où en fait, je pense que je ne me suis pas encore réveillée depuis. Je crois que je suis dans un cauchemar. Voilà, parce que le RN a fait un score très important. Et si on additionne le RN et le parti le maréchal, on atteint les 40%. Ça, c'est une chose. De deux, la dissolution de l'Assemblée nationale. La dissolution de l'Assemblée nationale, c'est une catastrophe encore pire. Je me demande pourquoi, en fait, Macron a pris cette décision. Il n'était pas obligé de faire. Il n'était pas obligé de faire. On se retrouve, en fait, dans une situation abracadabrantesque. L'heure est grave. En tout cas, pour moi, l'heure est très grave. Je sais que des gens n'aiment pas la politique, ne s'intéressent pas à la politique, mais ils ont tout simplement faux de ne pas s'intéresser à la politique, parce que la politique, c'est ce que seront nos enfants demain, c'est les moyens qu'on mettra pour les écoles, pour les lycées, pour les RN. Le Rassemblement National, qui était anciennement le Front National, et qui est un parti xénophobe, raciste, fasciste, complotiste, humaniste. Et anti-féministe qui ne supporte pas le droit des femmes, qui s'oppose à l'IVG. Même les femmes qui sont présidentes. Même les femmes qui sont debout, je dirais. Mais c'est vrai qu'anti-féministe, il y a même tout qui passe, homophobe, la totale. Ils sont homophobes. Tous qui ne sont pas comme eux, en fait. Ils sont opposés à tout ce qui n'est pas leur idéologie. Donc il y a des élections. Oui, tout à fait. C'est ça. Il y a des élections le 30 juin et le 7 juillet. Voilà, donc le problème c'est que Emmanuel Macron a interrompu en fait hier soir par décret les inscriptions sur liste électorale pour les personnes qui n'étaient pas inscrites sur la liste électorale. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui étaient qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas été votées. Elles ne pourront pas en fait voter. Donc oui. Il faudra regarder ça. Il y a un article sur Libé qui en parle. Est-ce que c'est l'aube d'un mouvement fasciste? Mais on est dedans déjà. On est déjà dedans. L'Europe s'est fascisée. L'Italie. Quel autre pays déjà? Il y en a plein. La Géorgie, la France, l'Allemagne. Donc, ouais, mais l'Allemagne, si tous ces pays sont déclarés, c'est vrai que la France, c'est assez choquant parce qu'on s'y attend pas. Tellement c'est un pays, comme on dit, des droits. Ils n'ont rien à voir les Français ici, moi, je te le dis tout de suite. Comment? Parce que les Allemands, ils n'ont rien à voir les Français ici. Oui, les Allemands, en fait, c'est vrai. Moi, j'étais pendant 12 ans là-bas. Les Allemands, les vieux, pardon pour dire les vieux, les personnes âgées sont obligées de travailler jusqu'à leur 70e année ou 80 ans parce qu'ils ont une petite retraite. En Allemagne, ils disent qu'il n'y a pas un fort taux de chômage. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Allemagne, les gens font des petits boulots. C'est facile de trouver un travail en Allemagne, rapidement, mais ce sont des emplois précaires. Et en Suisse? Mais au moins, tu peux travailler, parce qu'en France, il y a du mal. Ah oui, il y a du travail quand même. Où? Tu vois ce que je veux dire? En Allemagne? Bien sûr. Mais en Suisse, en Allemagne, il y a du travail. Est-ce que c'est normal qu'une personne âgée travaille, alors qu'elle a travaillé toute sa vie, qu'elle a cotisé? C'est pas normal. En Allemagne, il y a le taux de personnes âgées qui travaillent le plus. Ils ont pratiquement deux boulots, voire trois boulots, parce que leur retraite n'en suffit pas. Mais est-ce que c'est pas choquant qu'on voit que la France soit un pays qui commence à glisser dans le fascisme lentement mais sûrement, parce que par rapport aux autres pays, ils étaient un peu donneurs de leçons. Oui, nous, on a la CMU, on a plein de choses, on vient en aide aux gens, puis on se rend compte qu'en fait, c'est du flan. Mais tout ça est en train de partir, voilà, déjà, en fait. C'est un, comme on disait tout à l'heure, c'est un leurre. Donc voilà, la France, c'est un pays, j'ai l'impression, qui te donne d'un côté, qui te reprend de l'autre. Tandis que les autres pays, c'est clair. Aux États-Unis, tu bosses pas. Mais pas l'histoire, l'histoire de la France. Ici, chaque semaine, c'est un peu bizarre. Tu vois ce que je veux dire? L'histoire de la France est particulière. La France est un pays de révolutionnaires. Les Français. Mais c'est devenu un peu faux cul à la limite. Non, les Français aujourd'hui sont devenus beaucoup plus, comment été très individualiste. Ah ouais, les crises successives ont fait que les gens se replient. Comment, en fait, il est allé au pouvoir? Il est allé au pouvoir de manière complètement démocratique, comme là, ce qui va se passer avec, avec le RN. C'est la démocratie qui les a fait monter. Donc, je ne sais pas pourquoi je te parle de l'Allemagne. Oui, la France est un pays révolutionnaire. Oui, c'est un pays révolutionnaire. Il y a eu la révolution de 1789. On a tout de suite en fait voulu enlever les privilèges aux bourgeois, aux courtisans, aux courtisanes, aux aristocrates. On a réussi à basculer la Bastille, à faire en sorte qu'il y ait une prise de la Bastille. Et ça, c'est fort en symbole. En quoi c'est raciste? Si tu lui réponds, tu n'auras jamais fini ta phrase. Il n'y a pas de racisme ici. Vous avez la politique? Vous avez la politique? Et même sociale. Hein. Pas que racisme, même sociale. Il y a eu des votes il n'y a pas longtemps, vous êtes au courant? Il y a eu des votes. C'est pas qu'ils sont racistes, ils aiment bien les étrangers. Ils aiment bien les étrangers, 40% qui ont gagné. 40%. Ouais, mais quelquefois, je vais vous dire quelque chose. Quand les étrangers viennent sans papier, ils font quoi les Français qui sont dans? Tu peux me le dire? Ils font quoi? Attends. Laisse-moi parler, s'il te plaît, de lui. T'as parlé pendant plus d'une heure, Non, tu as sur le dire maintenant ce qu'il y a le racisme. Pourquoi les... Attends, je vais te dire pourquoi maintenant il y a le racisme en France. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent en papier, ils travaillent. Et les Français de 14 ans, quelquefois, ils vendent la drogue pour avoir des sous. Il y a beaucoup des clandestins qui arrivent sans papier, ils travaillent. Et les Français, ils sont dans la merde. Par exemple, s'ils aident les Français... Attends, s'il te plaît. S'ils aident les Français... À quoi qu'ils aident les étrangers, oui, mais qu'ils aident aussi. Attends. Ça veut dire non. Il doit aider aussi, écoutez, il doit aider aussi les Français, mais les Français, ils sont dans la merde. Mais ils sont aidés, les Français. Ah bon, bien sûr, c'est pour ça qu'il n'y a pas de travail pour les Français, qu'il n'y a pas de travail pour ceux qui travaillent. Mais tu ne crées pas de sous. Non, juste la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les clandestins? Mais tu ne crées pas de sous. Qu'est-ce que tu fais? Les Français parlent leur travail quelquefois. Il y a des gens, des étudiants qui n'ont même pas de travail à cause de. Ah bon, tu les connais? Tu peux me citer le cas d'une personne? Bah moi je te le dis. Cite-moi le cas d'une personne. Arrête de dire des conneries quelquefois. Cite-moi le cas d'une personne. À chaque fois qu'ils viennent ici, c'est pour en profiter, même quelquefois. Ils en font des. Non mais bloqués. Mais tu tiens un discours de Front National. Non, ils sont pas fascistes. Écoutez. Tu tiens un discours fasciste. Moi j'admets pas. Comment t'es venu en France? Moi, écoute-moi bien, je veux dire quelque chose. Ils accueillent les Français aussi. Pas que les étrangers, les Français sont dans la merde. Ah bon, quelle est la diable? Arrête de lui que dessus. Laisse parler. Il y a des aides. Attends, les retraités, les Français. Ça fait plus d'une heure qu'on descose. Les retraités, ils font quoi? Ils les abaissent, ils les entraînent, ils font quoi? Ils les donnent les appartements gratuits. Laisse-la parler. Mais tu vas donner de l'argent. Bah, je dis la vérité. Redescends. Il faut pas déconner. Parce qu'il y a des Français quelquefois. Non, elle a sa logique. Il y a des gens qui dorment dans la rue, des purs Français. Elle a sa logique. C'est quoi, pur Français? Laisse-la avec sa logique. Bah, des purs. Ils ont les papiers français. Et les autres, c'est des sous-hommes. Et les autres, quand ils viennent sans papier, quelquefois, ils les donnent tous, et les Français, ils souffrent. C'est des sous-hommes, les autres? Non, j'ai pas dit ça. Comment ils aident les étrangers, ils accueillent aussi les Français. Mais ils aident plus les étrangers sans papier que les Français. Eh bien, c'est très bien, tu racontes n'importe quoi. Bah, vous dites n'importe quoi, vous. Quelles sont tes sources? Où tu as lu ça? Quel article? Quel article? Toi, de toute notre confiance. On t'a aidé, toi? T'es quel pays? T'as voté, toi? Pour le bonheur des gens. Je vote pas pour le président, c'est pour les diables. T'as voté? C'est le diable. T'as voté, toi? Je vote pas pour les présidents. Tu parles comme un Front National. Je voterai que pour Dieu. J'ai confiance qu'en Dieu. Non, c'est la phrase à côté, ça devrait être. Bah là, tu peux rêver. Tu parles comme le Front National. Je m'en fiche. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Laquelle? Les Français souffrent. Les Français souffrent. Combien de gens regarde, les Ukrainiens, ils les aident pas, les autres sans papier, ils les aident pas, et les Français, quelquefois, ils restaurent, ils ont rien à foutre d'eux. Ah oui, tu l'as vu, vous? Arrête, s'il te plaît. Qui a dit ça? Même à la télé, qui ça sort même. Même à la télé, quelle chaîne? Tu lis des journaux? Tu sais pas ce que tu lis des journaux? C'est qui ton père? Ça ne regarde pas. C'est le président de la République. Ça ne regarde pas, je te dirai pas c'est qui. Je te dirai pas c'est qui. Calme ta main devant ton visage. Ah, je dis la vérité. Tu dis n'importe quoi là. Nous avons besoin de toute notre confiance en vous et le bonheur d'aimer. Alors, si on veut surmonter le malheur, s'il te plaît. Quand il y a les étrangers, ils arrivent, ils sont quoi les Français? À chaque fois, ils essaient de. C'est pour ça que je vous ai dit des fois, il y a des plages horaires. Il ne faut pas mélanger les patients. Ça ne va pas le faire. Bah, voilà. Et la main devant le visage, j'ai pas aimé. Oui, bien sûr. Non, mais oui, je peux le faire. Attends, je veux dire quelque chose. Mais on vient de Clandestin, qui a ici les sèches, et les Français, ils souffrent. Donc voilà, il y a des comment ils sèchent les Français qui sèchent. Écoute, comment ils sèchent les Français. Alors maintenant, tu as besoin de parler à la radio plus d'une heure. Mais tais-toi, comment ils sèchent les Clandestins qui sèchent les Français. Mais les Français, ils sont dans la merde. On essaye d'en Je croyais quoi, je vais pas venir à cause d'elle. Elle parle n'importe quoi, elle dit la France est raciste. Non, la France est raciste, oui. Marqueux, ils aiment que les étrangers. Et que les Français souffrent quelquefois. Arrête de mentir là. 40% des Européens sont racistes. Arrête, s'il te plaît, de me dire ça. Puisque 40% des Européens ont voté le Front National. Fini, calme-toi, s'il te plaît. Je suis une femme de vous. T'as vraiment de la chance. Eh, mais c'est l'Europe, hein, c'est ça. C'est l'Europe qui a voté 40%. Qu'est-ce que j'allais dire? Que les clandestins, même s'ils les aident, ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Viens, on va aux toilettes. Ferme ta gueule! Et ça retourne tout contre toi, dans ta vie. Tu vas aller, malheureusement. Je t'emmerde! Que ça retourne dans ta vie, dans ton destin. Mais qu'est-ce que tu parles? Vous n'êtes même pas baptisé chez vous. Chez vous, vous n'êtes même pas baptisé. J'en ai rien à foutre, elle m'énerve. Elle m'énerve. Parce que je suis là, j'existe. Mais qu'est-ce que tu dis? Je parle. Je m'en fiche de toi. J'existe et je dis ce que je pense. Arrête de dire n'importe quoi. Ça te dérange. T'es pas content d'être en France, alors casse-toi dans ton pays. Dis pas que les Français sont racistes. Ils s'est assez, les gens, je crois bien. Tu mens parce qu'ils aident les gens. Ils sont racistes. On écoute Magali. Ouais, j'en ai marre que tu parles mal des purs Français. D'accord. J'ai de la famille purs Français, moi je te le dis, moi. Tu peux rêver, toi. Est-ce que c'est pas l'Europe qui a voté ces 40% là? Et tout ce que tu m'as maudit, ça retourne contre toi. Bon, Écoute, j'ai dit comment ils aident les clandestins, ils ont aidé aussi les Français, mais les Français. Vive les clandestins, vive les clandestins. Ouais, bien sûr, c'est pour ça que quelquefois qu'ils agressent les femmes. Pol Pot dit qu'il les tape, et qu'il les maltraite les femmes quelquefois. Ouais, c'est ça. Des étrangers sans papier. Va les aider, Pol Pot. Jamais de la vie, moi, je n'arrive pas des femmes à voler. Mais va te battre, là, t'es assis comme une femme laide, là. Et encore, c'est un peu sexiste et je vais te tenir. Toi, tu connais mal encore ma réputation. Mon cœur, merde, une tapette, t'es quoi toi? Tu fais comme ça, tu me retires ma métisse, tu m'arrives là, avec ta tête là qu'on peut te déformer. Tu m'arrives là, tu m'arrives là. Tu es ignoble. On peut passer. chaussures. Oui, pas ses chaussures, mais je veux les faire. Non, je veux pas les faire chez vous. J'en ai rien à foutre. Arrête de dire que les Français sont racistes. Les Français sont racistes. Non, ils sont pas racistes. Parce qu'ils sont au mât. Il y a des Français qui souffrent. Je peux pousser la mélange. Tu chantes comme de la merde. Je vais t'insulter. Va te faire enculer, je peux te m'inquiéter. Gringo, arrête d'insulter. Mais bon, moi, je les attends, mais tu ne t'aimes pas. Quand je te le dis. Parce que tu me parles mal, je vais te parler. Toi, ça veut que tu es marocain, toi. Tu es marocain, toi. C'est pas. On va aller au table de cul. Vite. L'horizon. Elle dit n'importe quoi, elle dit que les Français sont racistes, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait ici, mais pas le compte, il y a beaucoup de Français qui sont dehors. Comment ils aident les étrangers, ils accueillent aussi les Français aussi en même temps. Joker, d'accord. Et toi? Attends, tu peux répéter la question parce que là j'aurais perdu sa vergine, mais quelqu'un m'a dit Joker. Donc Joker aussi. Joker. Ouais, tu peux continuer. Mais attends, mais on fait une pause parce que. Non, mais une pause après de la J'essaie de faire une transition parce non, que là vous allez vous taper dessus. Mais non, je le ramasse. Je t'as un petit copain. Oui, mais tranquille. Il faut qu'il soit spécial, il faut qu'il te mérite. Voilà. Non, mais j'allais pas rentrer dans les détails avec elle. Elle est trop jeune, la peau. C'est ce que je veux dire. Voilà, il faut qu'il te mérite. C'est intéressant. Voilà. Bon, je suis pas comme ça d'habitude, voilà, mais il y a des trucs qui méritent. Mais là, ça... Prends le micro, Romain, vous pouvez rentrer chez vous. Vous venez ici, vous tuez les gens. J'ai pas le micro, Grégoire. Je te dis, non, j'en ai rien à foutre, je dis la vérité. Mais fais un tour, parce que... Bah, toi, tu peux rêver, je vais venir. Je suis plus ancienne que toi, ici. Bah, j'en ai rien à foutre, Grégoire, il faut que tu fais un tour, comme ça, ça calme les choses. Non, qu'elle me laisse tranquille, s'il te plaît. Bon, elle dit n'importe quoi, pourquoi elle critique les Français comme ça? D'accord. On a passé à autre chose, là. Donc il faut que cet homme il soit spécial et il faut qu'il te traite comme une reine. Ah bon? Voilà. Et là tu lui donnes petit à petit, tu lui donnes pas tout. Faut pas qu'il bouffe complètement. Et il faut qu'il soit galant. Voilà. Il faut voyager. Voilà, ça tu vois maintenant. Va te faire foutre, toi t'es pas chiste. Faut pas qu'il te traite comme un objet. Voilà. Va te faire foutre. Faut t'imposer. Je suis français. T'es français, tu parles des Français. Il faut qu'il charbonne, comme on dit. En termes de rue, qui charbonne pour t'avoir. Voilà. Et tu peux t'approcher combien tu veux, je n'ai pas une femme. Classe, alors. Je suis pas une pute. Parce que je veux dire. Quelquefois, je oui, t'as voulu. Comme elle dit, faut que tu te montres mystérieux. Faut que tu verrouilles tout. Parce que t'as dit que j'étais comme ça. Je peux voir. Mystérieuse, un peu fantomatique. Secrète. Parce qu'il faut se méfier du coup de foudre. Et à partir de là, tu peux décider si oui ou non vous allez plus loin. Attends, il faut se méfier du coup de foudre. Et toc. Oui. Ah, il faut se méfier du coup de foudre, ça veut rien dire. Écoute aussi, elle a des bons conseils. Peut-être c'est ça que tu as vu, Idriss, tout à l'heure, un coup de foudre. Oui, quelqu'un qui est tombé amoureux de toi. De toi, à l'autre bout du monde. Oui. Et qui a voulu t'écrire une lettre. Ah. Il y a avoir son stress avec une femme, là. Ça peut être ça, ça s'appelle les coups de foudre. Ou qui a voulu te téléphoner, ou t'écrire une lettre, ou écrire ton nom. C'est un coup de foudre, c'est pas marrant. Ouais, c'est bon ça. Attends, tu peux donner à Edric, s'il te plaît. T'es amoureux ou quoi? Avec ses petites mains sur le sable, a voulu écrire ton nom. J'ai dit qu'un coup de foudre, c'est comme une. Oui, je sais, mais en fait, c'est une manière d'interpréter les choses d'une autre manière quand c'est sentiment. Quête d'amour à Magali. Vas-y, Magali, on t'écoute. Une fée, ouais. Non ? Bon, quelqu'un qui te fait une lettre d'amour, c'est bien. Sur le sable, elle écrit ton nom. Nous, mais cette génération-là, les mecs, ils nous écrivaient des lettres d'amour. Mais je veux dire quelque chose, hein, parce qu'on est gentil. Là, maintenant, ta génération, c'est assez. Quelquefois, c'est pas le temps qu'on est gentil. Est-ce que vous avez l'impression que l'Internet, ça vous a déconnecté ? Parce que nous, on n'avait pas Internet. Ouais, moi, j'en dis, je sais pas. Voilà, donc on se mélangeait un peu, les garçons, les filles, on allait au cinéma, on allait voir et tout. Donc voilà, et vous on a l'impression que vous communiquez pas entre jeunes. Parce qu'ils communiquent par internet ou par portable. Mais nous, il n'y avait même pas de téléphone portable. Il y avait la cabine. On disait pas trop, on se rendait rendez-vous à 15h à tel endroit. On faisait plus au fil de l'eau parce qu'on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas d'internet. Il y avait cette impatience, là. Il y avait ce goût, le flirt. Je cherchais le mot. Oui. Le flirt. Et le temps. Ouais. Le temps passait plus doucement. Ouais, c'est vrai. On était moins dans l'urgence, dans... Ouais. Moi, souvent, j'éteins mon téléphone portable, comme ça, je suis sûre de pas répondre. Ouais. Parce que je déteste être une machine. Ouais. J'aime pas sauter sur le truc. Ouais. Ça. Bah moi, c'est pareil, Magali, on me dit, Sophie, mais jamais tu réponds au téléphone. Alors, je dis aux gens, j'étais à la caisse. Or que c'est pas vrai, le téléphone, j'ai entendu son, mais j'ai pas envie. Voilà. Je suis en train de manger une crêpe, je suis dans un café. Voilà. Tu vois, et j'entends bzz, bzz. On sait qu'on va rappeler. Mais c'est hyper intrusif. Ouais. Et puis les gens, ils te font la morale. Oh, bah, t'as un téléphone pour quoi ? Portable. C'est pas pour les chiens. Ah, j'ai un téléphone pour quoi ? J'ai hâte de remettre un fixe. J'ai hâte de remettre un fixe chez moi avec le bon vieux répondeur. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Enfin, laisse un message. Bien alors, je leur dis, mais il me semble que j'ai un répondeur. Pourquoi tu laisses pas un message ? Ouais, voilà. Tu dis, voilà, Sophie, je t'ai appelé, rappelle-moi. Voilà. Tu sais, les gens, ils se permettent après d'avoir un pied dans ta vie, avec le portable. Oui, je t'ai appelé à telle heure, je t'ai envoyé un message. Alors, pour les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est parfait, hein, pour te pirater, pour te pister. Hein. Moi, tout le temps, je laissais le téléphone portable à la maison, je leur disais, bah, désolé, mon téléphone portable est à la maison. Une fois, tu sais quoi, je suis arrivée à l'arrêt du bus, je me suis rendu compte que je l'avais oublié, j'ai même demandé à quelqu'un de me faire sonner, et ça vibrait pas. Je suis pas rentrée chez moi. C'est comme un fil à la pâte des fois. Oui, c'est comme on demande, t'es où, tu fais quoi? Bon bah écoute, j'achète un plat de cuisine. Voilà, t'appelles à 9h du mat. Tu vois ce que je veux dire? À 9h du mat, t'as un message. Oui, bonjour. T'as des gens que t'as pas envie d'entendre. Bah oui. Tu vois. Et moi, quand je me suis rendu compte que je l'avais oublié, je suis pas rentrée. Je me suis cassée. J'ai pris le bus, je me suis cassée. Je suis rentrée, j'ai écouté mes messages. Après, je suis passée à autre chose. Voilà. Et comme tu dis, on est moins dans l'urgence. Mmh. Et cette génération, on dirait des vieux de 40 ans. Ils sont dans l'urgence. Moi, une fois, j'ai dit à mon fils, mais t'es stressé comme un daron de 40 ans. Ça va donner quoi quand on aura 40? Vous allez mourir d'un AVC? Est-ce que vous allez dépasser la barre des 30? Ou du surmenage? Vous êtes surmenés. C'est vrai ou pas? Vous êtes un peu surmenés quand même. Surmener, ça veut dire que vous avez la tête qui explose. Mais ils sont nés comme ça presque, hein. Avec le téléphone portable, ouais. L'ordinateur. C'est nous qu'on est des vieilles merdes. Hein, mais c'est vrai. Nous, on avait Atari. Tic. Et c'était quand tes parents avaient du pognon. Voilà. Et c'est quand tes parents avaient envie. Et c'est quand on te laissait jouer. Et on n'avait rien. Le cul. Rien du tout. Démerde-toi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on est des vieilles merdes. On est vieux chiens. On est des vieux. On est des vieux chieurs. On va te faire chier un max pendant toute la radio. On va courir. Sophie, c'est la première fois qu'elle vient. Elle va dire, elle ne vient plus ici. C'est la première fois, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Non, mais... Ah ouais, c'est vrai, j'avais même oublié la baston. Tu vois ce que je veux dire? Mais en temps normal, c'est un gentil garçon. Tu vois ce que je veux dire? En temps normal, c'est un gentil garçon. Il a fait temps, on ne sait pas. C'est non, parce que je dis, s'ils aiment les étrangers, qu'ils aiment les Français. On a passé autre chose, Je peux finir ma copine? Oui! Alors, que s'est passé? L'exemple type, la démonstration type, un comportement type. Il y a beaucoup de types. Des réfutations d'un discours que j'ai tenu concernant ce qui caractérise le RN. J'ai entendu des mots qui correspondent tout à fait au langage. T'as ta carte d'électeur ou pas? Mais bien sûr, j'ai voté. J'aimerais bien que vous votiez un peu pour Dieu, laissez tomber les présidents. On va couper, Tu peux mettre ça, s'il te plaît. Gringoler sur Je vais te parler parce que là, elle dit n'importe quoi. Oui, mais laisse finir sa chronique. Laissez-moi parler, s'il te plaît. Non, j'ai pas fini. Faut pas avoir du tout confiance dans les présidents parce que c'est le diable, c'est eux qui vont finir le monde. Ça, je vous le dis. C'est eux qui foutent le monde dans l'air. C'est la politique, c'est eux qui vont finir le monde. Il faut manifester pour que Macron soit plus président parce qu'il fout une merde grave. J'ai aucune confiance. Si le monde serait bien, s'il aurait voté pour non, Dieu. Gringo, laisse non, attends, stop, laisse-moi dire tout ça. C'est pas possible. J'aimerais bien que vous votiez pour Dieu au lieu de pour le président. Parce que c'est pour ça le monde il part en couille. Parce qu'il n'y a personne qui a de Dieu sur terre. Il faut prier à Dieu au lieu de président. Gringo, c'est le tour de. Les présidents parce que ça vaut pas la peine de voter pour eux. Ça sert à quoi? On vote pour eux à la fin, ils font quoi? Ils disent non. Mais du coup, t'as rien voté, toi. Mais j'en ai rien à foutre, je vote pas pour eux, moi. Mais qu'est-ce que tu parles? Je vais chier sur le président. Gringo, je pleurais, j'étais fière en lisant son discours. Écoutez-moi bien, quand j'étais vers Dieu, la mort sera ma suprême protestation contre un monde de larmes et de sang, et je me suis mise à trembler. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui avait écrit ça? La mort sera ma suprême protestation contre un monde de larmes et de sang. Qu'est-ce qu'il faut, le Macron, là, quand tu vois les petits là qui meurent, voilà. C'est Albert Camus, on a enlevé par Magali. Non, les aide pas. Merci. Moi, je crois qu'on va arrêter de parler de ça parce que je crois que ça soulève des émotions incroyables. On est... Il nous reste 3 minutes d'émission. On a des histoires quand les petits meurent, ils font quoi? Ils font pas rien. 3 minutes d'émission? Tu veux dire un truc? Vive, non, je m'ai fini, s'il te plaît, je permets. Vive l'humanité, vive les êtres humains, vive la femme, vive les hommes. Debout, je te jure. Debout, fier, intègre. On est tous pareils, il n'y a pas de différence. J'espère franchement que le 30 juin, on va être tous unis derrière l'Union populaire et qu'en fait, le Front National ne passera pas. Parce que oui, je le dis et le redis, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Les racistes sont aux portes de Paris. Ça risque d'être très très très très dangereux. L'insurrection, ça risque d'être une guerre civile, ça risque d'être très très chaud. Donc j'invite tout le monde à aller voter le 30 juin. Et tous ceux qui ne sont pas contents, bah, qui se tapent la tête contre les murs, ça m'est égal complètement. Sur ta tête, qui se branle un coup. Voilà. Je redis ce que dit Sophie, qui se branle un coup. Voilà, ça fera du bien. Je vais vous faire chier le monde. Sur ta tête. Merci, ma belle. Voilà. Et j'ai fini. Merci. Là, j'adore. Allez, bravo, mettre la noyade. Bravo. L'ambiance s'agite, on est vraiment agité. Mais vraiment, envoie ta photo, je te jure. Bon, Idriss, tu veux nous dire un truc là? Idriss, ça va mieux là? Tu sens mieux? Ça va mieux? Tu veux nous. Attends, prends le micro, dis-nous quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé tout à l'heure? La politique. Écoutez, qu'est-ce que je vous dis, arrêtez de voir. Super. Écoutez, il faut voter uniquement pour qu'il n'y ait pas la guerre. Pas là, mais pour voter pour des gens mauvais, non. Là, c'est vrai, bien dit. Et qu'est-ce que t'attends? Tout président, c'est qu'est-ce que tu me dis? Isabelle. Ah non? Non, oui, t'as rien à dire. C'est affectueux, tata. T'as rien à dire? Isabelle, mon comportement n'était pas bien. Attends, micro. D'accord, hein. Le Front National, ça monte trop vite. On est d'accord. Et quand vous disiez tout à l'heure que c'était aux portes de Paris, pour moi, c'est aux portes des prochains... Macron, déjà, il fout la merde. Ah ouais, putain, la vache. Bon, moi, on est ça commence à m'énerver qu'ils s'en mettent pour les Ukrainiens. Beaucoup inquiets. Hein. On est d'accord. Ah, ouais. J'ai vraiment peur que Marc Léna soit Premier ministre. De ouf. Qu'il soit président, moi, je m'en rappelle. Oui, Bardella. Franchement, j'espère qu'il va passer. Oui, de toute façon, c'est le bras droit de Marine et c'est ce qu'elle veut en faire. Hein. Elle va le mettre en fait Premier ministre pour tous les 3 ans qu'il reste. Et qu'est-ce qu'il fait Macron? Il fait la guerre. Et après, n'importe quoi, toi. Ce qui va se passer. Ouais, bien sûr. Bon. Parce que les élections vont arriver en 2020. Oui, bien sûr. Oui. Mais t'es mis ta gueule! Arrête de dire n'importe quoi! Qu'est-ce que tu me racontes? C'est encore Macron, il y aura la guerre à cause de ta gueule là! Qu'est-ce que tu me parles? Ta gueule! Tu connais rien! Mais qu'est-ce que tu parles? T'es nul! Je sais pas si tu me perds, arrête de parler! J'irai jusqu'au bout, je hais la tyrannie! Je sais que nous ne pouvons pas. Tant qu'il y aura le président, écoutez-moi bien, tant qu'il y aura le président Macron, t'as foutu ta merde sur la France! Il faut pas voter pour ce bâtard! Parce que regardez la guerre qu'il fait! Ils sont même pour les Ukrainiens! Alors on. Qu'est-ce qu'on va voter pour un diable qui va faire encore la merde? Mais Ringo, c'est ce qu'on dit. On dit qu'il ne faut pas. Mais non, elle veut qu'il passe encore, lui, ce bâtard. Mais j'ai pas dit ça! Pas du tout!